Écoutez et répétez les mots qui suivent. 1. Leçon U. Rude. Sujet. Une. Puni. Revue. Déluge. Résultat. Frustrant. Hurluberlu. 2. Leçon E. Jeudi. Milieu. Chanceuse. Creuser. Aveu. 2. Curieux. Les yeux bleus. Trois. Leçon E. Le. Ceci. Retenir. Mercredi. Atelier. Prenez. Dehors. Depuis. Entrevue. 4. Leçon E. 9. Longueur. Jeune. Preuve. Meilleur. Seuil. Hauteur. Seul. Œillet.